Chapitre 2. Tandis que je faisais ces réflexions, et tout en me glorifiant d'un plan de voyage bien combiné, le temps s'écoulait, et mon domestique ne revenait point. C'était un homme que la nécessité m'avait fait prendre à mon service depuis quelques semaines, et sur la fidélité duquel j'avais conçu des soupçons. L'idée qu'il pouvait m'avoir emporté ma valise s'était à peine présentée à moi que je courus à l'auberge. Il était temps. Comme je tournais le coin de la rue où se trouve l'hôtel de la bonne femme, je le vis sortir précipitamment de la porte, précédé d'un porte-fex chargé de ma valise. Il s'était chargé lui-même de ma cassette, et au lieu de tourner de mon côté, il s'acheminait à gauche, dans une direction opposée à celle qu'il devait tenir. Son intention devenait manifeste. Je le joignis aisément, et sans rien lui dire, je marchais quelque temps à côté de lui avant qu'il s'en aperçût. Si l'on voulait peindre l'expression de l'étonnement et de l'effroi porté au plus haut degré sur la figure humaine, il en aurait été le modèle parfait, lorsqu'il me vit à ses côtés. J'eus tout le loisir d'en faire l'étude, car il était si déconcerté de mon apparition inattendue et du sérieux avec lequel je le regardais, qu'il continua de marcher quelque temps avec moi, sans proférer une parole, comme si nous avions été à la promenade ensemble. Enfin, il balbutia le prétexte d'une affaire dans la rue Grandoire. Mais je le remis dans le bon chemin, et nous revînmes à la maison où je le congédiai. Ce fut alors seulement que je me proposais de faire un nouveau voyage dans ma chambre pendant la dernière nuit que je devais y passer, et je m'occupais à l'instant même des préparatifs.